Charles Makoto. Odrine ndekezeye mu hinga bw'ivyuma mwakoze gukurikirana radio isanganiro ndabahegakeye ndabahamagare no gukurikirana no makuru avugwa kuri no wa 25 myandagaro 2018 tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Hari kiziga cy'umwana w'umuhungu aciye ibihimba byirondoka catowe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Umusore w'imyaka 25 yagize ubwo bwicanyi akabaza yamaze guhagarikwa n'igipolisi. Murabyumva muri ano makuru muri wa mugambi ngendegwa ko iterambere ho kuva mu mwaka w'2018 gushika mu mwaka w'2017. Leta y'u Burundi yategekanije ko hashigwaho inzego nyobozi zikurikirana ishigwa mu ngiro ry'iryo hangiro. Ubwo rwego rukazoshobora no gushira ku murongo ibitazo babiko biragenda neza. Tubafite na bucana yandi y'imico imico kama n'ubuhinga. Uyu munsi tuzakubaganirira kubijyanye n'umwuga wo gucapa ukoresheje amarangi, umwuga ukorwa n'abantu bake mu Burundi nk'uko umuhinga mu byo gucapa Christian Bigiriri abyemeza. Idoni mukanya sangwe kazi. Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Hari umwana w'umuhungu ku mutumba Kayange muri komine Buhiga intara ya Karusi yatowe ikiziga kuri uyu wa gatanu isaha 8 z'umutaga kuri uwo mutumba nyene nk'uko urongoye igipolisi muri iyo komine avyemeza. Uwo mwana yishwe n'umugabo azwi ku izina rya Nsengiyumva Eric w'imyaka 25 kuri uwo mutumba nyene asanze uwo mwana avako afise imyaka 11 aho yariko akaba yamusanze aho yariko asenya inkwi zo gucana n'abandi bana batatu ngo yamujanye mu gashamba aca amuca ibihimba vyirondoka abanje kumukubita ibuye mu mutwe. Abo bandi bana bari birutse baja gutabaza ariko abantu basanze uwo mwana yamaze gupfa. Uwo mugabo nawe ashikiriza igipolisi kuri zone Buhiga aho ariko arabarizwa. Mu ntara ya Ngozi hari umusore azwi ku izina rya Mutanka na Bere wo muri komine Tangara zone Musenyi ku mutumba Nyagasebeyi yarayagandaguwe bunyamaswa n'abantu bataramenyekana. Bamugandaguriye muhira mu ijoro atashe mu masaha yababigiye cy'isaha 3 z'ijoro niho yategegwa n'inzo nkozi z'ikibi ziramugandagura zikoresheje imipanga zica zitwara ikinga mu bitoke iwabo mu gipolisi. Bavuga ko amatohoza aja yamaze gutangura. Uburundi kugira ngo bushike ku mahangiro y'umugambi w'iterambere kuva mu mwaka w'2018 gushika ku mwaka w'2027 utegekanya gushiraho urwego nyobozi n'uwo mugambi. Uwo mugambi ugo rwego ruzoba rugizwe n'inzego zibiri. Muri izo ruzoba rujejwe harimwo gukurikirana k'uwo mugambi uri kurashirwa mu ngiro haba muri leta canke mu bawufasha. Uwo rwego kandi ruzoba rufise n'ikigega cago kizofasha mu bijanye n'ivyao kizofasha mu bijanye nako no kuzoshobora gufasha kugorora ibizo baba bitariko biragenda neza mu nzego zose. Placide niyo mwungere. Kuko tubisoma mu nteguro y'uwo mugambi w'igihugu w'iterambere bamwe mu bagize ubwo rwego nyobozi harimo komite ijejo gukurikirana ikurikizwa haba muri leta n'abawufasha ry'uwo mugambi. Iyo komite ikayifise umunyamabanga icicaro ciwe kikaba kiri mu bushikiranganje bujejwe ibijanye n'imigenderanire mu vyiterambere. Iyo komite ahanini ifise igikorwa co gukurikirana igihe cose uko uwo mugambi uri gutera imbere binakenewe ugatanga n'izindi ntumbero kugira ngo umugambi w'igihugu w'iterambere ubandanye werekeza ku ntumbero wishinze ugeza mu 2020. Iyo komite kandi mu gihe bikenewe mu bikorwa byayo uko tubandanya tubisoma irashobora no kwikora ku muhinga mva makungu. Ariko rero ivy'abakoze bigashikirizwa umukuru w'igihugu. Inyuma y'iyo komite abandi bagize ugwego nyobozi gwo mugambi w'igihugu n'ubushikiranganje bwose n'izindi nzego z'abahinga. Ubushikiranganje bw'iterambere ry'abanyagihugu ahabwo bukaba bufise igikorwa cyo gukurikirana ko umugambi w'iterambere ry'igihugu uriko ushigwa mu ngiro mu nzego zo hasi. Ubundi bushikiranganje busigaye nabwo bugashira mu ngiro uwo mugambi mu bisata bujejwe. Ugo gwego nyobozi kandi saho rugarukira gusa rurafise n'abaruserukira mu ntara, abo nabo igikorwa cyabo akaba rukura abakuwo mugambi w'igihugu w'iterambere uri gukurikizwa mu ntara hamwe no gutanga ivyegeranyo ku mwaka ku mwaka. Nkuko tubananye tubisoma mu nteguro y'uwo mugambi, hakaba hategekanijwe n'ikigega. Uburyo buri muri ico kigega bukazofasha mu bijanye no kwiga imigambi hamwe no gushigikira abazo babajeje gutunganya iyo migambi kuva hasi gushika hejuru. Kwisazi 3:33 ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imibano. Abanyagihugu baharugwa ku 1,300 acumbikiwe mu kigwati co mu Mayengo muri komine n'intara ya Rumonge bashikiriza ko babayeho nabi. Bamwe amahema yaragize impome yaratabutse, imbwa zikabasanga mu nzu, hambavu y'inzara, ubukene bw'amatongo yo kurima n'amazi meza. Bari batwawe muri ico kigwati ca Mayengo bakuwe mu masite ya Cashi na Gitaza, basaba kugarukirwa ko ibintu bitayangara. Mu Rumonge, Jean Pierre Misago. Turarahanze imbwa zidusanga mu mazu hafi ngira zidusokore. Ayo namaganya ya bamwe mu batuye mu kigwati cya Mayengo ni mu nyuma yaho amahema y'ubururu yaragize impome z'amazu yabo atabukiye. Bamwe baja gusaba indaro aho amahema yera agikomeye, abandi nabo bagumaho basadikiranije imisegetera. Ntagirutimana Kasilde avuga ko izo mbwa zijya ibitungwa by'ibitungano zikaba zimaze kurya inkwavu zibiri mu kibano. Ziramaze gutwara inkwavu zibiri hajya hirya ku mubanyi. Sinzi nkayo Hermenegilde umutama w'imyaka 78 mu bipande vy'imisegetera iterateranije, we ikimuhanze n'ubukene bw'ibifungurwa. Nshobora gufungura tumbesha. Hampande y'amahema yatabutse n'inzara bafise, Nzeyimana Silivana ari n'amakenga ko hamwe imvura yotasura bikimeza uko n'ivyaho havyohuhuka, agatera kamo abatware ngo bagarukire ko mu maguru masha. Hogira ico badufasize n'ukuri maguru masa bakadutabara uko siheza kwera. Kwera n'ingwara aturembetse mu bana bibiziterwa n'inzara. Bitariho Remi arongoye ico kigwati avuga ko n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi meza hamwe n'amatongo yo kurimamwo kihari, ariko ngo ari hamwe leta ibafashije ikabaha iyandiro boshobora kwibeshaho. Nka leta yo turonza nkaho turima, abandi ikaraba ukuntu yo tuguranira nk'udutahe duto duto ko twe turabadandaje gose, abandi ari nk'idutungwa bakabiduha canke bakaturondera nk'abo baroba bakaroba. N'ukuri buzima bwo neza nitwoguma duteza amashi natwe twakwisuganya tukamenya ukuntu twibeshaho. Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge arazi ico kibazo nkuko ababa muri ico kigwati babivuga, ngo kuko yama ahaca iminsi myinshi kandi ngo arabizeza ko bitebuke ico kibazo cabo kizotora umuti. Inzu 16 nizo zimaze kubakwa impome muziharugwa 174 ziri muri ico kigwati. Umurindi ababa muri ico kigwati bavuga kwa ari muto, inyuma y'amezi 5 abo bantu bimuriwe muri ico kibanza bavuye mu Cashi no mu Gitaza. Jean Pierre Misago mu kigwati cha Mayengo, Radio Isanganiro. Jean Pierre Misago tugukengurukire. Amakuru tubandanize mu gisata c'inkino kubona Burundi butwaye imidali 14 y'inzahabu mu rukino rwa karate muri ryahiganwa ry'imigwi serukira bihugu ya Afrika y'ubuseruko ririko ribera mu Burundi. Ntibisigura ko ari kubera ibihugu nk'u Rwanda bititavye izo nkino za karate. Ibyo bivugwa na Christophe Nkurunziza arongoye ishirahamwe rya karate mu Burundi, agasigura ko mu mahiganwa amaze kuba u Rwanda n'Ubuganda byaserukiwe naho nyene abanonotsi b'Abarundi babaye aba mbere. Christophe Nkurunziza arongoye Federation ya Karate mu Burundi, tumukurikire. kuva mu 2007 ku Burundi bwa mbere ntikovuga ko ari kuba ibihugu bitaje hari cyo twita zone 5 kuva mu 2007 gushika no munsi nta gihugu cyari gadutsinde muri Kenya twageze kuvuza Burundi bwacu 16/16 nk'ubu mu byumvise uku nyene iyo bibere mu kindi gihugu n'ibindi bidasanzwe ugira abantu benshi bumva yuko mengo hari kintu cyabaye kidasanzwe gusumba aho bibere mu gihugu wacu naho ibyo bihugu bititabye ntibyakudutera ubwoba kuko ubuye n'abahinga b'abayegipsiye cyangwa abamaroke bitwa ko bamakira mu mahiganwa adasanzwe ubuye bashyize mahiganwa abanza kubaza ati umurundi n'uwe muri bajya birabure tubona hajya no kuvuga ko dufite ikibanza cyiza cy'iteka twoshima twese tukaba dushima ubutegetsi bw'amabudufata mugongo cyo kwerekana icyo gihugu Muri izo nkino zihuza ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko hadekekanijwe kuri uno wa gatandatu mu gisagara cha Bujumbura inkino za boxe na rugby hagati y'u Burundi na Uganda ano makuru yacu tuyasozerere kuri bucana yandi umuga wo gucapa ukoresheje amarangi mu Burundi ukogwa n'abantu bari kurusha ibivuye kumvo zitari nke nko kuba atamashuri agwiriye mu gihugu canke kuba abarundi badakunze gutahura iciyumvira umuhinga aba yashushanije ngo banakigure ivyo bivugwa na Christian Bigiriri umuhinga mu byo gucapa w'umukongomani yize kaminuza mu Burundi akaba anatunzwe n'uwo mwuga yatanguye gucapa akiri umwana atumira ababyeyi kwitegerereza no gutegera intege no gutera intege abana babo basanzwe bafise impano zo gucapa ni muri bucana yandi y'imico kama n'ubuhinga na Christian Savye Uracha bugacana yandi mu mico kama Nuko bikunda gushika umuhinga kiri muto akenera abamukuriye mu mwuga kugira bamufate ukuboko ngo ashobore gushira habona impano yiwe Christian Bugiriri ari mu ishuri muri kaminuza y'u Burundi yarashoboye kurahura ubundi buhinga akuye mu bandi bahinga b'abarundi C'est parti d'un hasard ou bien du destin, parce que j'ai dessiné depuis que je suis un enfant, même si je ne me sentais pas encore prédestiné pour ça, mais et j'ai pu le développer en arrivant au Burundi. Mu bihe nari ko ndiga muri kaminuza y'u Burundi nashoboye guhura n'abandi bahinga b'abarundi mu byo gucapa bakamfasha gushira habona impano nari mfise kuva l'université, j'ai pu me lancer dans la peinture petit à petit avec l'aide des amis artistes locaux. Et Christian Bugiriri ratubwira kubwiwe icarico ubuhinga bwo gushushanya ukoresheje amarangi icyo bita peinture la peinture c'est un art visuel en deux dimensions c'est-à-dire peinture no buhinga bwo gucapa ukoresheje irangi ry'amazi cankirindi be ni gitambara bitatwal que peinture à eau ou peinture à huile ngo hari ubuhinga bwinshi bwo gushushanya Christian Bugiriri arabudusigurira Oui, il y a plusieurs spécificités, il y a eu plusieurs courants dans l'histoire de l'art. Mon style de peinture, il est plus Hari ugucapa ibifise insiguri boneka n'ivyo urinda kuyumvira. Pas abstrait, il y a des styles abstraits d'abstraction. Biragoye gutahura mugara duhu muco mu gutandukanya neza ubwo buhinga. Le style abstrait, c'est un style où au spectateur ou à la personne qui regarde l'œuvre d'interpréter ou d'essayer de l'interpréter à sa manière. Mais le style réaliste nous donne directement Kimwe nuko uraba igicapo acabona ico gisigura, ikindi naho uraba niwe yihinsiguro ashatse wenyene. Un message déjà qui est fixe et que le spectateur peut voir sans aucune explication. Abarundi bakunda iyo igicapo kidasaba insiguro aratubwira igituma. Ouais, il préfère le style réaliste ou figuratif au Burundi. Des choses visuelles, des choses Abarundi bakunda ibicapo biboneka twamadukoresha mu buzima bwa minsi yose. Des personnages ou Nibaza ko iva mu mico n'imigenzo yabo hambere no mu bundi buhinga butari ubwo gucapa nuko. Je pense que dans le domaine de l'art local, ça a toujours été visuel. Même dans la sculpture, dans l'art traditionnel, c'est plus visuel que abstrait. Ça vient des anciens, je pense. Muri bucana yandi mico kama n'ubuhinga yo ku munsi wa gatandatu za Christian Bugiriri azotubwira icokorwa kugira ngo ubwo buhinga butere imbere. Christian Savye urakenuye murakenuye mwebwe bo mu ruganda rwo kumenyesha makuru mwamfashije kuyegeranya mwakoze mwebwe mwaduteza abiri Odenda ikeje niwe watuma amajwi abashikiri wanyu shaye makoto n'abashikije ndabaseze naho ubutaha.